Alors, le mot France se dit... Fa, guo, fa. Le V rouge de la victoire. Le fa de femme. Fa et guo, qui veut donc dire pays ou empire. Guo, doigt bleu levé. Donc, fa avec le V rouge, comme dans femme. En chinois, les noms étrangers sont souvent transcrits avec des mots qui ont une prononciation proche du nom étranger. Alors, comment dit-on France ? Fa, guo. Fa, guo. Fa. Veut dire loi en chinois. Donc, littéralement, la France, c'est le pays de la loi. Fa, guo. Donc, comment dites-vous France ? Fa, guo. Fa, guo. Et comment diriez-vous français ou France personne ? Fa, guo, ren. Il faut dire fa, guo, ren. Alors, les Chinois ont également un excellent mot pour désigner l'Angleterre. C'est... Ying, guo, ying, pouce vers coucher, guo, doigt bleu levé, ying, guo. Pouce vers coucher, puis doigt bleu levé. Ying. Hein, ça ressemble un peu au mot anglais England pour dire Angleterre. Hein. Cela veut dire courageux en chinois. Alors, comment diriez-vous Angleterre ? Ying guo. Ying guo. Et comment dites-vous France ? Fa guo. Fa guo. C'est ça, comme le fa de femme. Alors, comment diriez-vous anglais, c'est-à-dire Angleterre personne ? Ying guo ren. Ying guo ren. D'accord, maintenant, je suis français. Je. Wo. Suis. Shi. France. Fa guo. Personne. Ren. Wo shi fa guo ren. Maintenant, tu es français. Tu. Ni. Est. Shi. France. Fa. Guo. Personne. Ren. Ni shi fa guo ren. Et maintenant, comment dire tu es anglais. Tu. Ni. Est. Shi. Angleterre. Ying guo. Personne. Ren. Ni shi ying guo ren. Alors maintenant, comment dire tu es chinois. Tu. Ni. Es. Shi. Empire du milieu ou Chine. Zhong. Guo. Personne. Ren. Ni. Shi. Zhong. Guo. Ren. Et maintenant, comment dit-on il est chinois. Il. Ta. Est. Shi. Empire du milieu ou bien Chine. Zhong. Guo. Personne. Ren. Ta shi zhong guo ren. Et maintenant, comment direz-vous il et elle sont tous deux chinois. Il. Ta. Et. He. Elle. Ta. Tous deux. Do. Sont. Shi. Empire du milieu. 中国 personne 人 et comment dites-vous et he il faut dire he avec la voix qui monte la phrase entière est ta he ta dou shi zhongguoren donc pour le mot et qui se prononce he Nous avons le doigt bleu levé, comme dans « un ». Qu'est-ce que tu dis ?« Un ». Alors encore une fois, le mot pour « et » se dit « he ». Oui, « he ».